americano, no power, no son. Jamais on sera connu, car toute cette barrière, un jour nous fatiguerons, un jour elle nous aura. La force est grande là, la musique en or, nos paroles en choc. La jeunesse est l'avenir, alors écarte-vous. Et si on se casse la gueule, ce sera tant pis pour nous.